Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. À l'approche de Noël, la même angoisse revient chaque année. Le cadeau commandé en ligne arrivera-t-il à temps? Et quand la livraison prend du retard, la déception peut vite se transformer en colère. Mais juridiquement, quels sont vos droits face à une livraison en retard? Premier point essentiel, le responsable, c'est le vendeur, pas le transporteur. En droit français, le consommateur a un contrat avec le vendeur, qu'il s'agisse d'un site internet ou d'un magasin. Peu importe que le retard soit dû à la poste, à un transporteur privé ou à une plateforme logistique, le vendeur reste juridiquement responsable de la bonne exécution du contrat. Et justement, les délais. Si une date de livraison précise est indiquée, par exemple, livraison garantie avant Noël, le vendeur est tenu de la respecter. En l'absence de date précise, la loi prévoit un délai maximum de 30 jours après la commande. En cas de dépassement, vous ne pouvez pas immédiatement annuler. Il faut d'abord mettre en demeure le vendeur de livrer dans un délai raisonnable supplémentaire. Cette démarche peut se faire par courrier, email ou via l'espace client. Si malgré cette mise en demeure, la livraison n'a toujours pas lieu, vous pouvez résilier le contrat. Le vendeur devra alors vous rembourser intégralement, et ce, dans un délai de 14 jours. Mais attention, à Noël, le facteur temps est crucial. Si la date était essentielle, par exemple un jouet commandé expressément pour être offert le 25 décembre, vous pouvez parfois résilier immédiatement, sans délai supplémentaire. Les juges reconnaissent volontiers que Noël constitue une échéance déterminante. Peut-on obtenir une indemnisation? Oui, mais sous condition. Le simple remboursement est automatique. En revanche, une indemnisation complémentaire suppose de prouver un préjudice réel. Par exemple, des frais engagés pour acheter un cadeau en urgence ou une livraison express de remplacement. En pratique, ces indemnisations restent modestes, mais elles sont possibles, notamment lorsque le vendeur a fait une promesse claire de livraison avant Noël. Dernier conseil pratique, conservez tous les éléments de preuve. Confirmation de commande, mention livraison avant Noël, échange avec le service client. Et méfiez-vous des formules un peu vagues comme « livraison estimée » ou « sous réserve de disponibilité ». En résumé, le vendeur est responsable du retard. Le remboursement est un droit. L'indemnisation dépend du préjudice. Et avant Noël, le délai peut devenir un élément essentiel du contrat. À bientôt pour une nouvelle chronique juridique. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.